patrouille, ça portrait, ça portrait. Double Ben dans tes boyaux et des acteurs font que d'aboyer. Glock, si tu fais le gaillard, je suis dans le hall, t'as le nez dans tes cahiers. Parle patrouille, ça portrait, on veut la coupe, gardez vos médailles. Le terrain est ouvert à midi, c'est pour le point de vente qu'on fait la bataille. Merco, c'est le bateau, fessé, pas de bêtises. Les racailles sont en requin, une liasse grosse comme un bouquin. Y'a qu'avec toi qu'elle fait la jeuvière, tes réglons t'avance des affaires. On sait le faire, on sait se taire, raid des villes comme à Manchester. Tout, j'ai coulé, vous, c'est vous là, je suis trop vénère. Bientôt j'envoie Trapstar, deux tirs sur ma bœuf, elle sent bon. Quotidien de fou malade, Zaïrois qui fait la mode. Bien sûr on plaide nos coupables, c'est capitaine qui donne les ordres. Tomber au plus bas, remonter au top, nous c'est des peines lourdes qu'on écope. Que des trucs décramés dans mon équipe, dès que je t'allume mon équipe. C'est réel jusqu'au bout, je remercie Dieu d'être encore debout. Tu connais faut faire ça bien, et Vaz m'a dit on se serre les coudes. Un 8-7 c'est le code, sur la pesette je pose le bloc. J'suis de mauvaise humeur donc évite les blagues. Encore un contrôle, heureusement que j'ai tout mis dans mes yokus. Bloc dans la boîte à gants au cas où, c'est KO on baisse pas les tarots. Cache-toi où tu veux, on t'aura. Ça tire dessus pour un terrain. Si t'es réglo, je suis réglo. Si tu me suis, je te fuis. Redescends, fais pas le fou. Je remets mes lacets, je prends ma fouille. En vrai, c'est pas facile. Et si tu parles, t'assumes. Embrouille entre cités. Bloquer le magot sous terre. On peut te faire sauter. Mais pas le nez dans nos affaires. Je suis avec le chat, gros ours. À quoi de fumer dans la caisse, touche. Je te vois en chelou, je prends mes distances. Reparler peux-tu et tu sais déjà. Tu sais, j'ai mal, mais je monte pas. Tu sais, j'ai mal, mais je monte pas. Dans mon triangle, on simule pas. Ziroc et champagne, on célèbre ça. Elle fait la kerba, mais pas dans sa cité. Y'a que la muerte qui peut nous arrêter. On fait le sale boulot. On a du culot, des kilos. Dans ce peurat pour l'enculer. Trop d'éther pour reculer. Faut du papier empilé. On fait le sale boulot. On a du culot, des kilos. Dans ce peurat pour l'enculer. Trop d'éther pour reculer. Faut du papier empilé. Double